Records. Ay, ay, ay. Qu'est-ce que tu crois? On dit des choses crues, est-ce un crime, mon gros? C'est la crème des crous, mais on assume, en haut de la cime, on assomme. J't'assure, t'es sourd, j't'entends pas, ça cartonne à ma façon, ce son. J'ai assez zolé, de toute façon, j'dois me lancer car j'ai assez zolé. Ce qu'on digère, ne digère pas que ça sorte de bouche de gars. Au comportement indigène, ouais, mais c'est comme ça, le monde part en sucette. Tous les gens veulent sucer, laisse béton, arrête. Bientôt, il te restera plus que le bâton. Mais si j'arrête, les autres continuent, je leur aide dans le cul, alors j'gratte, quête, les restes, les miettes pour être miettes, gars. Yeah. S'accrocher pour aller crécher quelque part, pas cher. Va chercher ailleurs dans les déchets, se rafraîchir. Yeah, ça ouais. Yeah. C'est encore pas ce puisque j'passe sur disque. J'passe pas ma putain passée en piste. C'est encore pas ce puisque j'passe sur disque. J'passe pas ma putain passée en piste. Faut sur piste tes boîtes, vois-tu le doigt. Toi t'es en voiture et soit mon son, soit sans mensonge, mes messages, mets ça. Vite un médecin quand on met le son. Et partout, éparpille, des lampes de chair. J'écrivais déjà éparpille, Hollando, sa mère. Admito, mes métaphores, je veux que tu mettes ta front. Tu sais ce que c'est, les gars forts, ils font sauter au plafond. Du beau linge dans le beau drap, longe les murs. Et je linge depuis l'âge, de me vomir bouche au liège, c'est sûr. En une seconde, si aisé, t'inquiète, j'ai piégé, puis j'ai les zones assiégées, les zones piégées, ici pas de bonhomme. Un des XXL, il me faut de la monnaie, mais donc on se lisse, fiscal. Votre bâtard, et c'est un petit poisson, c'est dark, dark, ouais. C'est encore quoi ce puisque j'passe sur disque, j'rosse pas ma putain passe et en piste. C'est encore quoi ce puisque j'passe sur disque, j'rosse pas ma putain passe et en piste. Parce que on veut le Pascal, ouais, j'leur ai l'euro, gesticule, ouais, remue tes testicules. Ouais, vas-y, magique, et magique comme Zizou, zigzag comme Okozu, à la Zepsen, zoom ça des hommes aisés. Bouge ton corps, mettez la zizanie encore plus fort, fidèle à la mélomanie, mêlée des calcomanies, belle manie, mais ni pas, tes mécanismes ça aille pas. Comme Larissa, c'est pas Carissa. Ou bien caresser le son, c'est pas des USA, mais du 7-8 garçon. Cette fois qu'on est cette voix sévère, l'exploit des rimes sévères. C'est vite, c'est bon, c'est day et sévère. Vire de bord, d'abord d'énergie, je déborde. Fous les nerfs, la foule émerge, j'émerge, je dépasse la marge. Ouais, c'est encore poisse, puisque je passe. Bien, bien.